Ho ho ho! Bon, c'est vrai que cette saison, avec le soleil qui se couche super tôt, le stress au travail et les gens qui n'arrêtent pas de tousser, clin d'œil à moi-même, c'est pas trop superbe. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour vous parler des événements cool qui nous attendent en cette fin de mois. Et oui, je parle bien des fêtes de fin d'année. Vous êtes sur Fadjet 94.2 et vous écoutez Europe & Roll. L'équipe au grand complet vous attend, comme chaque semaine, pour décrypter l'actualité de l'Europe et de l'Union Européenne, comprendre ce qu'il s'y passe, le tout en musique bien sûr. Nous sommes diffusés le dimanche à 13h, le lundi à 17h30 et le mardi à midi. Et sommes également disponibles en podcast sur Spotify et encore.fm. Saviez-vous que dans certains pays d'Europe, on ouvre les cadeaux le 24 décembre ou le 6 janvier ? Vous pensiez que l'arrivée du Père Noël Coca-Cola avait homogénéisé toutes les célébrations dans toute l'Europe ? Eh bien non, on va certainement vous surprendre avec des infos underground durant cette émission. Victor va commencer par nous expliquer les origines de la fabuleuse histoire de Noël, puis quelles sont les traditions de Noël en Europe ? Suzy nous le dira. Carmen nous a préparé une superbe surprise. Puis Inès nous reconduira au thème initial de l'émission en nous parlant de vin chaud, de hot dog et de crêpes sur les marchés de Noël. Comme chaque semaine, durant toute notre émission, nous aurons le plaisir d'écouter les chansons choisies par Victoria. C'était donc les titres de notre émission. Aujourd'hui, pas de journal d'émission car nous enregistrons l'émission bien trop en avance. Plongeons-nous donc directement vers l'origine des fêtes de Noël. Victor, je te donne la parole. Ah, Noël, cette fête que tout le monde attend chaque année. Sa magie, ses sapins, ses cadeaux, ses traditions qui font palpiter le cœur du plus jeune au plus âgé d'entre nous. Cette fête a tellement pris d'ampleur au cours de ces dernières années que l'on en a presque oublié qu'elle était à l'origine religieuse. Toutefois, il est important de rappeler que cette fête pourrait aujourd'hui être plus largement caractérisée d'occidentale, étant devenue un réel enjeu commercial. Mais alors, pour retracer l'histoire de Noël et retrouver les origines de ses traditions, faisons tout d'abord un peu d'histoire religieuse. À l'origine, la tradition celte définissait le jour du 24 décembre comme le jour de la renaissance du soleil avant d'être repris par les cultes romains, mettant à l'honneur la naissance de Mitra, divinité indo-iranienne affiliée au soleil. Les célébrations de la naissance de Mitra avaient lieu autour du solstice d'hiver, débutant le 21 décembre, symbolisant un soleil de plus en plus présent chaque jour. En 274 après Jésus-Christ, l'empereur Aurélien déplace cette célébration au 25 décembre avant que cette dernière soit officiellement reconnue par les chrétiens de Rome comme la naissance du Christ vers l'an 300. C'est donc désormais une fête bien chrétienne, célébrant la nativité, la naissance de Jésus-Christ, qui de nos jours semble avoir perdu sa dimension religieuse et sacrée, bien qu'elle reste profondément attachée aux traditions chrétiennes dans de nombreux pays occidentaux. Si l'origine même de la fête semble avoir perdu de son aspect traditionnel, plusieurs symboles rappellent son authenticité tandis que d'autres se concentrent sur son aspect commercial. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'historique de célèbres traditions de Noël ? Alors si tout le monde a déjà vu au moins une fois trôner dans son salon un resplendissant sapin de Noël, faisant ressortir de façon plus ou moins glorieuse le talent décoratif de toute une famille, beaucoup d'entre nous, et moi le premier, ne connaissent pas les origines de cette histoire. Donc replongeons-nous dans les légendes chrétiennes où un certain Saint Boniface semble être à l'origine de l'une des traditions les plus célèbres de Noël. Et cette légende n'est pas la plus épique que le Moyen-Âge ait inventée. À l'origine, Saint Boniface, donc, qui était un moine évangéliste allemand, de la fin du 7e siècle, souhaitait montrer à ses amis druides que le chêne n'avait rien d'un arbre sacré et en fit abattre un. Le grand arbre s'effondre, ne laissant que poussière et dévastation, seul un arbre reste au milieu des décombres intact, un petit sapin. Pour Saint Boniface, c'est un miracle et renomme le sapin en arbre enfant de Jésus, en arbre de l'enfant Jésus. Depuis ce jour en Allemagne, la coutume était de planter de jeunes sapins le jour de la nativité. Si l'origine de ce sapin de Noël est allemande, le fait de le décorer est alsacien. L'appellation sapin de Noël apparaît au XVIe siècle, l'on décore le sapin avec des pommes et des confiseries, et à son sommet trône de plus en plus souvent une étoile de Bethléem. C'est enfin au XVIIIe siècle que le sapin de Noël fait son apparition au château de Versailles, sous l'impulsion de l'épouse du roi Louis XV. La tradition se répand après la guerre de 1870, où les habitants d'Alsace-Lorraine exportent la tradition partout en France. Elle devient mondiale au XXe siècle, notamment via le monde de l'entreprise d'après-guerre, et la création de l'arbre de Noël du comité d'entreprise, présenté alors comme un moyen d'associer les salariés à la vie de l'entreprise. Je passerai quelques traditions connues telles que la crèche pour finalement parler du deuxième symbole le plus fort de cette fête, moins religieux on peut le penser, le Père Noël. Et je vais commencer tout de suite par démonter plusieurs clichés. Non, le Père Noël n'est pas une invention purement marketing américaine, mais trouve bien ses origines en Europe. Ce Père Noël ne se présentant pas comme affilié à la dimension religieuse est bien issu de la tradition catholique, puisqu'il proviendrait de la légende du Saint-Nicolas. Si pour beaucoup d'entre vous cette tradition est inconnue, vous conviendrez vite en voyant Saint-Nicolas que la ressemblance avec le Père Noël est frappante. Un vieux monsieur à la barbe blanche habillé d'un manteau blanc et rouge descendant du ciel, entrant par la cheminée dans la nuit du 5 décembre pour distribuer des cadeaux aux enfants sages, peut faire penser à un pâle plagiat. Mais c'est malgré tout aux États-Unis que Saint-Nicolas deviendrait Santa Claus, les chrétiens américains déplaçant la Saint-Nicolas le jour de la nativité. Mais si le Père Noël est donc apparenté à la fête de Noël, cela relève plus d'une forme d'amalgame religieux regroupant deux fêtes différentes en même temps dans la nuit du 24 au 25 décembre. Le poète américain Clark Moore écrit au 19e siècle un poème de Noël inspiré de la Saint-Nicolas et met en scène un personnage habillé en rouge, tiré par des rennes avec un sac de jouets. Le Père Noël est né. La célèbre marque Coca-Cola construit ensuite l'image actuelle du Père Noël en 1931 au cours d'une campagne publicitaire populaire exportant le personnage en Europe. Merci beaucoup Victor, mais entre la tradition et la réalité actuelle, il y a toujours un petit écart. Suzy, tu es là pour nous raconter comment on fête Noël en Europe. Oh oh oh, mécontent-je. Ah, c'est encore All I Want for Christmas is You de Mariah Carey qui passe à la radio. Bon, même si c'est la 200e fois que je l'entends depuis mi-novembre, j'aime bien cette ambiance de Noël qui nous réchauffe le cœur pendant la traversée du rude hiver nancéen. Tous les petits Français ont déjà fait leur liste au Père Noël et ouvert leur calendrier de l'Avent pour faire passer plus vite le long compte à rebours jusqu'au 25 décembre. Mais qu'en est-il de nos voisins européens ? Allez hop, embarquez avec moi dans mon traîneau pour vous faire découvrir les différentes traditions de Noël en Europe. Et on commence par nos amis allemands chez qui Weihnachten n'évoque pas la naissance du Christ, mais la messe de la nuit de Noël comme au Royaume-Uni. Alors, les Allemands, en plus d'avoir de superbes marchés de Noël avec des bretzels bien chauds, eh bien, ils sont champions de la décoration. Ils accrochent des couronnes de sapin aux portes, posent des bougies sur leurs fenêtres, de quoi nous plonger dans une ambiance déjà festive. Mais contrairement à chez nous, les enfants n'ont pas à attendre le 25 décembre pour recevoir leurs cadeaux, puisque c'est Saint-Nicolas qui leur rend visite le 6 décembre. Mais attention, il faut rester sage si vous ne voulez pas connaître les foudres du Père Fouettard. Et dernière chose, les cadeaux sont distribués par l'homologue outre-Rhin du Père Noël, le Christkind. Pour notre deuxième étape, je vous emmène un peu plus au sud, en Italie, pays très marqué par la religion, où les festivités durent du 24 au 26 décembre, le jour de la Saint-Étienne étant férié. C'est là qu'est née la fameuse crèche de Noël, qui est installée 9 jours avant la naissance du Christ, tandis que le sapin se fait le 8 décembre, également férié. Mais les traditions varient d'une région à l'autre, puisque dans le nord c'est le Père Noël, Babbo Natale, ou le petit Jésus, Gesù Bambino, qui apporte les cadeaux le 25 décembre, tandis que dans le reste du pays, c'est Sainte-Lucie qui s'en charge le 13. Mais les enfants à Rome et dans le sud du pays doivent attendre encore un peu plus longtemps, puisque c'est seulement au 19 janvier que passera la vieille sorcière aux cheveux blancs Befana, leur distribuant des friandises si elles sont sages. En revanche, tenez-vous à carreau, car sinon c'est du charbon qu'elle vous offrira. On part maintenant pour une destination où vous pourrez passer Noël sous la neige, la Finlande. Mais pas de panique, vous n'allez pas geler sur place, puisque les Finlandais se rendent au sauna avant de partager leur repas en écoutant le discours sur la paix de Noël, prononcé la veille par le secrétaire général de mairie de la ville de Turku. Il s'agit là d'une ancienne coutume nordique, datant du Moyen-Âge, puisqu'avant les temps chrétiens, l'année était jalonnée en 27 temps de paix, qui incluait donc cette fameuse paix de Noël. Vous croyez que j'avais fini ? Eh bien non ! On s'envole maintenant pour la République tchèque, et contrairement à la belle ville de Nancy qui était très en avance pour installer son marché de Noël, les Tchèques n'installent pas leur sapin avant le 24 décembre. Et au pied du sapin, on ne fait pas couvrir des cadeaux, mais on tente aussi de déchiffrer l'avenir. Et oui, les Tchèques sont assez superstitieux. Par exemple, si vous arrivez à vous imaginer une étoile dans une pomme coupée en deux, c'est que vous serez protégé toute l'année. Et si vous cassez 4 noix saines d'affilée, vous serez en excellente santé. Les festivités sont assez courtes en République tchèque puisque le 2 janvier tout est déjà défait, mais les familles tchèques en auront très bien profité jusque-là. Et je termine mon tour d'Europe par le Luxembourg, pays moderne puisque là-bas pour apporter les surprises, Kleschen et le Père Fouettard arrivent en âne, en train ou bien même en hélicoptère. Et pour leur donner des forces, les enfants leur laissent un petit verre de vin près de leurs chaussettes. C'est revigorant, non ? Et en plus de cela, tout le monde se régale avec les fameux Boxmenschen, ou bonhommes en culotte, de petits bonhommes briochés qui se mangent coupés en deux avec du beurre ou de la confiture. Et si vous voulez continuer de déguster des spécialités luxembourgeoises, vous pouvez vous rendre au marché de Noël pour vous abreuver d'une boisson au lait sucré à la crème fraîche à la vanille au rhum, le eggnog, ou bien savourer des Grumperkirschlöcher, une spécialité aux pommes de terre et aux œufs. Alors, c'est déjà terminé pour moi, mais si vous adoptez la mentalité slovène, rappelez-vous qu'il y a trois Noëls, le 25 décembre, le Nouvel An et l'Épiphanie. Et puis surtout, continuez de chanter en boucle vos chants de Noël préférés, parce qu'on ne se lassera jamais de les avoir en permanence dans la tête. Merci beaucoup Suzy qu'on a eu par téléphone pour cette chronique. Est-ce qu'il ne serait pas temps de se faire une petite pause musicale ? Victoria nous a concocté une playlist spéciale Noël, mais elle ne pouvait pas être présente aujourd'hui, donc Inès lit ses explications. Pour cette émission, Vic s'est dit qu'on pouvait un peu changer des chansons aux airs bibliques ou des odes aux sapins. Ainsi, on commence cette aventure musicale avec Mère Yule, écrite et enregistrée par le groupe pop suédois Adolfsson & Folk dans les années 80. Bonne écoute. C'était Mère Jules, vous êtes bien sur Radio Fadjet à l'écoute d'Europe & Roll. Alors il me semble que Carmen nous a préparé une surprise. Alors avec toute l'équipe d'Europe & Roll, on a eu envie de remonter le temps et d'aller interroger nos grands-parents sur leurs souvenirs de Noël. Nous avons collecté précieusement leurs voix qui témoignent de la transformation des traditions, mais aussi d'une certaine continuité au fil des années. Pour commencer, la grand-mère de Mathilde nous raconte une anecdote de son enfance. Un souvenir de Noël ? J'en ai un qui remonte à il y a plus de 70 ans. C'était juste après la guerre. Je devais avoir 3 ou 4 ans. C'était à l'école. Dans la salle d'accueil, qui a été transformée en salle de fête, il y avait un grand sapin, un Père Noël qui est arrivé avec une grande hotte. Et nous étions tous assis, les enfants, sur des bancs. Je me souviens bien de cela. Et dans sa hotte, il y avait des choses qui ressemblaient à des ballons. Et il est passé dans les rangs, le Père Noël, et il a distribué à chaque enfant un de ces ballons. Et ces ballons, ils étaient oranges. Et j'ai regardé ça dans ma main. Je me demandais ce que c'était. Ça avait une peau un peu rugueuse. Ça sentait bon. En fait, c'était une orange. Et moi, je n'avais jamais vu d'orange. Et je ne savais pas ce qu'il fallait en faire. Et puis après, la maîtresse est venue et nous a expliqué. Et c'est la première fois que j'ai mangé une orange. Voilà, un tout petit souvenir. Mon papy Jacques s'est souvenu quant à lui de l'ambiance de Noël et de la signification associée à cette tradition. Noël, c'était quand même une fête où on s'intéressait aux enfants. Pas que les enfants, bien sûr, mais chacun avait un petit truc, quand c'était pas grand-chose. Hein. C'était un cahier ou un crayon ou une orange ou tout un joyeux. C'était oui. Très simple. Mais il y avait une espèce de fête. Tout le monde mettait un petit peu de gaieté, un petit gâteau, un petit peu plus. Non, on sentait une certaine joie quand même. Bon, aujourd'hui, ça, on le donne un autre sens, mais le principe était le même. En fait, il faut que l'enfant se sente aimé, quoi. Il faut que l'enfant soit heureux, qu'il soit entouré. Parce que quand il vient, l'enfant, ben là, évidemment, il sort du ventre de sa mère et c'est un monde nouveau, hein. Les grands-parents de Suzy lui ont raconté ensemble un Noël enneigé tout particulier pour eux. Mes grands-parents ont choisi de raconter leur meilleur souvenir de Noël ensemble. Mon grand-père venant de Sheffield, c'était cette année-là son premier Noël en France. Mon meilleur souvenir de Noël, ça date de 50 ans. C'était la première fois que j'ai passé Noël en France. Et en plus, la première fois que j'ai revenu pour Noël, car en Angleterre, chez nous, ça ne se faisait pas. Mes parents vivaient dans un petit village de montagne et avaient décidé de faire un barbecue pour la veillée. Il avait fortement neigé pendant la semaine. Et on a passé toute l'après-midi à essayer de dégager l'espace du barbecue. Donc commencer le soir et dehors, à prendre l'apéro autour du barbecue en profitant de la chaleur des flammes. Il faisait un temps d'hiver superbe, mais très froid, bien enveloppé contre le froid. Nous avons pris beaucoup de plaisir à regarder griller la viande sur la braise incandescente et surtout à admirer un ciel étoilé magnifique. C'était magique. C'est un souvenir qui nous est resté à travers tout ce temps. Puis c'est Claudine, la mamie de Victor, qui s'est prêtée au jeu et s'est remémorée les Noëls de son enfance. Je m'appelle Claudine. Je suis née en 1943 dans une famille d'émigrés italiens et bien intégrée et heureux de vivre en France. Le soir de Noël, nous avions un repas, c'est-à-dire un pot-au-feu, donc un repas amélioré. Et après, nous mangeons des noix, des cacahuètes et des clémentines. Après, nous allions à la messe de minuit pour admirer la crèche et prier. Puis on chantait les belles chansons de Noël. Voilà, aller dans l'église. C'était religieux, mes parents de toute façon, enfin mon père non, hein, parce que des fois il allait travailler le pauvre, hein, fondré lui. Hein. Des fois il n'était pas là mon père. Hein. Alors au moment de Noël, ben, il allait faire le réveillon à l'usine. Hein. On n'avait pas de cadeau, mais on n'avait pas l'habitude d'en recevoir. Ça nous semblait normal, hein. On n'avait pas de problème, non. On ne cherchait pas des cadeaux, rien du tout. Hein. Et pour terminer, ma mamie Louise a remonté le temps jusqu'au 23 décembre 1935, le jour de sa naissance, ce qui explique d'ailleurs son deuxième prénom, Noëlla. Moi, je suis née le 23 décembre. Et quand j'y pense maintenant, je me dis, Noël, je ne l'ai pas vécu. C'était oui. Pour la rigolade. Bon, les autres Noëls, voilà ce qu'il m'en reste, si tu veux. C'est qu'on avait une orange, on avait des poupées rafistolées. Mais comme je suis née en 35, ça ne devait déjà pas 39-45. Ça devait déjà pas tourner très rond. Je me rappelle pas de sapin de Noël, mais par contre, on tenait à faire la crèche. Ça représentait quelque chose pour nous. Et on tenait aussi à aller en famille à la messe de minuit. Et on revenait, je pense que, autant que je m'en souvienne, je crois qu'on prenait un petit chocolat chaud avec une brioche, et puis on allait se coucher, parce que après il y avait le Père Noël qui allait passer. Et il y avait des petits cadeaux dans les sabots. Ok. c'est assez simple, si tu veux, il n'y avait pas de complications. Ouais. Merci beaucoup, Inès. Qu'est-ce que Vic veut qu'on écoute maintenant? Pour cette deuxième interlude musicale, Vic nous propose d'écouter la célèbre chanteuse française Clara Luciani qui nous régale en se réappropriant La fille du Père Noël de Jacques Dutronc plus de 50 ans après. On écoute. De retour sur Europe & Roll. C'est bientôt les fêtes de fin d'année, je pense pas seulement à Noël mais aussi à Hanouka. Bref, peu importe votre confession ou que vous soyez athée d'ailleurs, je pense qu'une soirée à un marché de Noël c'est toujours très sympa. Inès, tu es là pour nous en parler. Cette chronique me permet d'exprimer enfin la profonde déception et le déchirement qui m'habite en cette période de Noël à Nancy. Je dis bien Nancy, car le problème est culturel et géographique. Je vais vous parler donc des marchés de Noël. Enfin, à Nancy, des trois huttes et d'un bout de glace synthétique qui font office de marché de Noël. Je suis un peu dure, c'est vrai. Et d'ailleurs, je devrais m'estimer heureuse, me disent mes amis sudistes, parce qu'entre Pau et Marseille, la culture du marché de Noël, c'est pas trop ça. Et oui, j'ai dû rapidement ouvrir Google Maps pour vous citer deux villes du sud. Comment vous savez ? Parce que moi, voyez-vous, je viens d'Alsace, près de Strasbourg, qui n'est ni plus ni moins la capitale de Noël. Ça claque, non ? Mais je vais mettre de côté mon chauvinisme régional exacerbé pour vous parler des marchés de Noël que j'adore en Allemagne. On est sur European Roll quand même. Si vous faites partie de ces gens qui ont découvert la Saint-Nicolas en arrivant à Nancy, vous êtes peut-être en train de vous demander, mais l'Alsace c'est pas en Allemagne ? Alors pas loin, mais non. Bon, tu voulais nous parler des marchés de Noël allemands, alors qu'est-ce qu'ils ont de si formidable ? Sans hésiter, leur véritable atmosphère de conte de fées. Alors qu'à Nancy, on a plus l'impression d'être dans une extension plein air du centre commercial Saint-Sébastien, en Allemagne, on entre dans un village dans la ville. On se perd dans les allées, on se laisse guider par les odeurs de vin chaud, de marron grillé, on s'enthousiasme des guirlandes, de la décoration et oh, regarde ce petit cerf clignotant en plastique avec un bonnet rouge dont je n'ai absolument pas besoin, mais quand même, regarde! Non, plus sérieusement, c'est une belle occasion de découvrir la culture culinaire et historique des villes qui accueillent ces marchés de Noël. Certains objets ont une histoire bien particulière, comme les statuettes de Casse-Noisette, ces petits soldats de bois qui puisent leurs origines d'un conte allemand d'Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. En plus d'avoir trois prénoms, Herr Hoffmann a aussi inventé une histoire qui reprend le fameux mythe dont rêvent tous les enfants, celui des jouets qui s'animent la nuit. Je vous passe les détails, mais c'est un exemple du folklore qui fait l'âme des marchés de Noël allemands et leur donne cette dimension féerique si particulière. Et imaginons que demain je souhaitais me rendre à un de ces marchés de Noël européens, aurais-tu des villes à nous recommander plus particulièrement ? Oui, et pour que nos auditeurs s'y retrouvent, on va même faire un petit jeu du style test de magazine de psychologie. Dis-moi qui tu es et je te dirai quel marché de Noël il te faut visiter. Je pense qu'on peut diviser les visiteurs des marchés de Noël en trois catégories. Je vais commencer par la meilleure, les gourmands. Pour vous, le marché de Noël ne s'appelle pas marché pour rien. Vous êtes là pour faire vos emplettes alimentaires, comme un dimanche matin. Et vous préférez bien sûr qu'on vous fasse goûter la marchandise avant. Et c'est bien la moindre des choses. Si vous vous reconnaissez, j'ai deux conseils. Premièrement, le marché de Noël de Nuremberg, pour goûter à ses délicieux et célèbres pains d'épices ronds. Et deuxièmement, le marché de Noël de Leipzig, ville dans laquelle on organise chaque année le concours du meilleur vin chaud de tout le marché de Noël, selon des critères très sérieux. Je vois que la nourriture t'intéresse beaucoup, mais quelles sont les deux autres catégories de visiteurs dont tu voulais nous parler ? Je vais continuer avec les chineurs. Pour vous, toujours à l'affût des bibelots, de l'objet insolite à ramener, je vous conseille les marchés de Noël de la ville de Prague. Je ne veux pas m'avancer, mais je pense que vous ne résisterez pas au charme des décorations en cristal de Bohême, l'un des plus purs au monde, ni celle en grenade tchèque, une pierre précieuse dont les gisements sont uniquement situés en Bohême. Et enfin, pour ma dernière catégorie, je demande les sportifs. Vous trouverez votre bonheur au marché de Noël de Londres, qui accueille pour l'occasion la plus grande patinoire du Royaume-Uni. Alors peu importe la catégorie dans laquelle vous vous reconnaissez, préparez vos estomacs, vos yeux, vos oreilles, chaussez vos patins et partez à l'assaut des marchés de Noël européens. Merci beaucoup à Inès et merci à toute l'équipe de rédaction ainsi qu'à tous les grands-parents qui ont participé à la chronique de Carmen. On se retrouve après les vacances sur Radio Fadjet, dimanche à 13h et lundi à 17h30. N'oubliez pas de profiter de vos jours de vacances pour podcaster nos émissions disponibles sur Spotify. Mais avant de nous quitter pour de bon, Inès, quelle est la chanson finale de l'émission ? En effet, 2019 ans après la naissance de Jésus, Dialectos da Manhã Dura, en partenariat avec Radio Commercial, se demande que serait-il passé si Jésus avait vu le jour aujourd'hui. Je vous laisse écouter. O primeiro Natal foi há 2019 anos. Mas e se tudo tivesse acontecido hoje? Notícia de última hora, nasceu o Messias. Vamos já para Belém, onde temos três pastores em direto que estavam no local e contam como tudo aconteceu. Ora bem, eu estava com as ovelhas, a Biju, a Mel e a Dori. Esperava o sol nascer para postar uma grande história. E passou um anjo que nos falou de um bebé novo que além de muita fofo ia salvar o povo. Fomos para o chuveiro e tomámos um banhito. Se é para ver o Messias, tenho de ir bem bonito. E a nossa mamã disse: vou lá ver o Salvador, mas quero vos em casa todos para jantar ao faz favor. E comecei. começámos a ir sem nunca desistir dos campos até Belém, mano. É sempre a subir. E chegámos ofegantes, mas chegámos em boa altura. E como disse o anjo, lá estava ele na manjedoura. E era um bebê, Jesus de Nazaré.